Chapitre 3. Le divorce n'existe pas encore au temps où se passèrent ces choses. On ne connaissait pas l'incompatibilité d'humeur, dont se servent si bien de nos jours les époux mécontents l'un de l'autre. La Pyrane était prête, si son mari découvrait quelque chose, à s'enfuir avec son portefeuille. Mais en attendant, elle faisait de son mieux pour que rien n'eût l'air d'être modifié dans la vie de tous les jours. Adroit et glissant comme un jeune fauve, l'amant savait entrer dans le logis avec tant de ruse que nul ne pouvait, sur la grève, surprendre cette furtive ombre humaine parmi celles de la nuit. Complètement envoûté par sa complice, la nature de ce garçon en était transformée. Insouciant et gai jusqu'à sa rencontre avec elle, il devenait, en même temps qu'encore plus efflanqué, muet, concentré, presque sauvage. Mais ne l'ayant pas connu sous ses dehors premiers, les gens de la ville ne se rendaient pas compte de ces changements. 2 ans presque d'union intermittente, acharnée et silencieuse, n'avaient pas encore assouvi la bête d'amour brusquement éveillée. La Pyrane pouvait croire à l'éternité de son désir. Cependant, avant la fin de la 2e année, quelques signes apparurent. Sur le chemin de Branchebelle, quand ils revenaient ensemble de leur pêcher forestier, moins exclusivement animal, la femme eut envie de quelques paroles, puis de conversation. Elle retrouvait tout doucement sa gaieté. La sorte de morosité de son amant taquinait son humeur joviale. Rien ne le faisait rire. « C'est agaçant, » songeait-elle. Rire, elle n'en avait pas plus que lui l'envie dans les débuts. Mais insensiblement, sa passion cessait d'être tragique. Grand corps qui s'étire après le plaisir, les électricités de son être montraient des marques d'usure à force d'étincelles et d'éclairs. Vint la nuit où elle s'aperçut, alors que l'homme dormait dans ses bras, enfin terrassé, qu'elle attendait l'aube avec impatience pour le voir partir et rester seule dans son lit. Le temps s'avançait où elle serait guérie de sa démence. Nulle tendresse n'étant à la base de son attachement tout charnel, elle était sur le point de s'en rendre compte. La crise passée, il serait fort agréable, après un tel déchaînement, de reprendre où elle l'avait laissé, sa reposante existence d'épouse et de travailleuse, absorbée seulement par les soins ménagers, le va-et-vient de la poissonnerie et le souci qu'elle partageait avec son mari, de mettre de côté le plus d'argent possible pour assurer le bien-être de leur vieillesse. Les 2 ans révolus, elle fut enfin prête à renvoyer comme un chien, rejeté comme un joujou cassé, celui qu'elle avait tant aimé. Ce n'était, après tout, qu'un pauvre débardeur comme tant d'autres. L'enchantement fini, ses yeux refroidis le voyaient tel qu'il était. Une honte lui venait, elle, la femme de Jean Pirant, maître de sa barque, patron d'un matelot et d'un mousse, d'être retournée à ses origines misérables, d'avoir pour amant un pauvre gars sans prestige et sans argent. Alors ses nuits adultères lui parurent plus lourdes de toutes que ses devoirs conjugaux. Elle prétendit avoir vu quelqu'un s'embusquer au pied de la fenêtre, feignit la terreur, évita de la sorte, pour un temps, l'étreinte pour laquelle elle était, 6 ou 7 mois plus tôt, prête encore à vendre son âme. Marie Chausselin ne devinait encore rien. La Pyrane, qui projetait de le rendre à la marine pour s'en débarrasser, ne savait comment aborder ce sujet épineux. En dehors de l'amour, somme toute, elle ne connaissait pas cet homme. Était-il capable de violence? Elle se mit à l'étudier, méfiante, comme un autre mari qu'elle aurait eu. Il fallait le mettre à l'épreuve. Elle imagina de lui donner un nouveau rendez-vous autour de la Blanche Belle, le laissa s'y rendre seul, et, comme la mer était basse cet après-midi-là, décida facilement son homme à l'accompagner dans une promenade à grâce sous les beaux arbres du plein été. Elle fut vue dans la chapelle aux côtés de son mari. Tous deux avaient la dévotion des gens du port. Puis, un peu plus tard, prenant une bolée de cidre avec lui dans quelques fermes du plateau, rencontra même 2 de ses collègues de la poissonnerie et rit avec elle d'un cœur léger délivré. Tant de choses n'étaient pas nécessaires pour que le débardeur sut comment elle avait passé son temps loin de lui. Le surlendemain seulement, elle recueillit de la bouche des autres marchandes les résultats de ses agissements. La veille au soir, à propos d'une bagatelle, le gars Chausselin s'était battu comme une brute avec un charbonnier des quais, et dit à la rangère qui racontait. Il jurait, il était si furieux qu'il en perdait sa culotte. Donc, capable en effet de violence et même d'esclandre. Cette bataille, c'était seulement pour soulager sa colère, car il ne buvait pas. La Pyrane se mit à trembler. De pied ferme, elle l'attendit cependant, et avec son expression la plus crâne. Aurait-il l'aplomb de venir à la poissonnerie lui chercher des mots? Il y vint. Ce qu'elle vit dans ses yeux, au lieu de l'épouvanter, la remplit d'un beau mépris. Il semblait relevé d'une longue maladie. La douleur de son regard était immense. « J'ai failli tuer quelqu'un hier, » chuchota-t-il lamentablement. « J'étais si dupe que tu prenais la fraîche avec l'autre, tandis que je t'espérais dans le bois. La furie m'a dépassé. Qu'est-ce qu'il y a eu donc ?»« Je peux pas te répondre, on nous regarde, va-t'en !» La tristesse avec laquelle il s'en alla fut plus redoutable que toutes les récriminations. La Pyrane comprit que rien ne parviendrait à l'arracher d'elle. « Il va coller comme l'emproie !» fut sa morne conclusion. « Mais, ajouta-t-elle, si je l'apostrophe, il va casser et briser tout !» Ce garçon auquel elle avait dû tant de joie, auquel elle allait faire maintenant tant de mal, ce roi d'un jour devenu mendiant tout à coup, non, elle ne pourrait le renvoyer comme un chien, le rejeter comme un joujou. Il lui avait plus 2 ans, mais elle, c'était pour la vie qu'elle lui plaisait. La poitrine pleine de soupirs, elle accepta le juste châtiment de sa faute. Elle était désormais 2 fois mariée, et tellement empêtrée dans ses propres roublardises, que, jusqu'au jour où Marie Chausselin aurait compris son malheur et se serait résignée, la moindre minute de paix n'était plus à espérer pour elle. Le temps passait dans ses complications. « Tu ne veux pourtant point que mon mari m'entame. Je ne suis point assez vieille pour faire un mort. » 3 rendez-vous manqués sur 4, des superpositions de mensonges entre elle et ses 2 hommes, tous les dangers et plus aucun plaisir, la Pyrane perdait enfin de sa belle humeur. Ses yeux cessèrent d'être pleins de noces. Ses moqueries, les notes graves de son rire, ne réjouissaient plus la poissonnerie. Elle devenait irritable et, pour un rien, se disputait avec les autres femelles. Un charivari d'injures énormes, des poings aux hanches, des mentons hauts.